999, super train de maquette, direction Auschwitz-Birkenau, sale bougnou l'express. 999, tu transportes des melons, réduction de famille nombreuse. Devenir un arabe n'a jamais fait rêver. Pour avoir des bananes, les nègres sont prêts à tout, à n'importe quel prix, n'importe quelle solution. Même s'il faut juifier, ils sont devenus nuls. Salbouignou l'express, 999, tu déportes des beurres à 88 km/h. Salbouignou l'express, 999, faut mes têtes de toutes les races, tu mets notre âme en fer. Train de tous les blédards, enfants de pute de nez, dans la nuit brouillard, ça sent le barbecue. C'est pas parce qu'après moi il y aura plus de bougnoules nulle part qu'on ne peut pas en garder de droit pour le ménage. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen.